scène et la tienne. Mais il n'y a que mon père maintenant qui s'en souvient. Quelquefois, de mes 10 premières années, il ne me reste plus rien. Et pourtant, les yeux fermés, moi j'entends mon cœur.